Selon Newsis sud-coréen en date du 18 janvier, un ex-professeur d'une grande école à la province de Gyeonggi a vénéré vivement le président Kim Il-sung. Il a lu en 2006 les mémoires du président Kim Il-sung à travers le siècle. Depuis lors, il a commencé à étudier les statues jetées. Dans l'espace du mois de mars 2009 au mois de septembre 2012, il a inséré dans l'internet 30 écrits en l'honneur du président Kim Il-sung qui a dirigé le peuple avec son intelligence géniale et son éminent leadership, ainsi que des autres écrits en l'honneur des statues jetées et de la politique de Songun. Les autorités de sécurité publique l'ont considéré comme une épine dans la chair et l'ont accusé à la cour sous l'inculpation de violation de la loi sur la sécurité.